Ai, ai. Tu lo sai qua. Tu lo sai qua. 176 salamandra e paragraf. Ancora una volta sulla traccia, Francia-Italia, taglia qui in questa situazione che si staglia. Contro me, contro te c'è qualcuno che si sbaglia, sputando i denti dentro gli eventi di sta battaglia. Ho pochi minuti per respirare, se l'orologio corre occorrono corse puntanee. Che ciò che ci contorna per confonderci comincia col disperdersi dentro del mio reale. Che tutto ci sconforta e ci plasma, i microbi di una città fantasma mi stanno dando i brividi. Mi muovo esasperando l'ansia che non elimini, ma aumenti come aumenta l'asma. Hey, Mayday, da 176 ombre orgoglio, in 3 giorni miei ma non voglio starti troppo addosso, pieno di sto sclero. Fermo a guardarti mentre cresce il mio veleno. È sempre stessa merda, non cambia. Sai qua, brandelli sparsi di nuova rabbia. Oggi come ieri noi rinchiusi in questa gabbia, nascosti tra i palazzi come testa sotto sabbia. Qu'on clash, ça crache, ça rage. Dans les culs, au coin des lèvres, la haine règne. Dans les yeux de tes proches, les regrets s'animent. De pas avoir pris au sérieux tes excès pusillanimes. Dans le cœur, la famine, même si c'est la famille. Tu romps tous les liens sociaux par habitude, tu bousilles les idées noires, le regard froid dont ton crâne ça fourmille. Un malhabile qui cache son vrai visage avec un masque en argile. Qui donne le change en faisant le mec débile. Observe-moi et trompe-toi, le jugement n'est qu'un fil que l'on tord, que l'on broie. Que l'on casse, que l'on casse. La parole est hostile quand c'est les miettes qu'on ramasse. La dignité qui trépasse. Alors laisse-moi m'emporter, c'est une soupape pour nos carcasses. Rêve d'un monde lisse, mais ta capuche protège ta carapace. Dehors il pleut, le monde est dégueulasse. L'âme de gosse peu à peu passe à l'as. On agit comme des bleus. À cette haine je réponds de ma rage. J'ai banni le sur place et tous les coprophages. Un petit pour la route et la putain de sa race. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. On s'insulte pas quand on clash, ça crache, ça rage, ça rage. È sempre stessa merda, non cambia. Sai qua, brandelli sparsi di nuova rabbia. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. On s'insulte pas quand on clash, ça crache, ça rage, ça rage. Oggi come ieri noi rinchiusi in questa gabbia, nascosti tra i palazzi come testa sotto sabbia. Dès mes parages, voici la version des mots. Essuie les carreaux dès les premiers plantages. Chantage à la crise de mes mots. Et pris de névrose dans les pourcentages. Le meilleur terreau nourrit ses otages. À la froideur de l'ombrage et à la fleur de peau. Effleure les visages, rougit les vaisseaux. De vision visage, une lésion du cerveau. Du ciment au suppôt avec son lot de cirage. En solo expirant et se cache aussitôt. Messe basse pour l'ego, c'est la rengaine du perso. C'est la combaine, ses poteaux, avec la grâce du huis clos. Raccro à la candeur de l'éclair. Quand tu couves tes viscères, c'est la honte qui éclot. Réglo comme un chat de gouttière. Quand tu cours à ta perte en longeant ton enclos. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. On s'insulte pas quand on clash, ça crache, ça rage, ça rage. È sempre stessa merda, non cambia. Sai qua, brandelli sparsi di nuova rabbia. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. On s'insulte pas quand on clash, ça crache, ça rage, ça rage. Oggi come ieri noi rinchiusi in questa gabbia, nascosti tra i palazzi come testa sotto sabbia. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. On s'insulte pas quand on clash, ça crache, ça rage, ça rage. È sempre stessa merda, non cambia. Sai qua, brandelli sparsi di nuova rabbia. Mal comme on se cache, comme c'est bête comme on se fâche. Oggi come ieri noi rinchiusi in questa gabbia, nascosti tra i palazzi come testa sotto sabbia.